pourquoi l'homme ne s'en sort pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour passer le temps? Ça, c'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème. On peut essayer de s'en sortir, par exemple. Ça, ça occupe bien. Ben, j'en suis venu à cette conclusion-là, il y a quelques mois. J'ai pas plié les genoux, là. Dans le sens que j'ai vu... pas les plier plus que certains angles, hein? Dans le sens que j'ai vu que je m'en sortais pas. Puis, seulement depuis quelques mois. Depuis quelques mois seulement. Écoute, tu aurais dû écouter tes amis. Puis, c'est cette prise de conscience-là... Que j'étais à terre. J'étais à terre complètement. Ça n'a pas fait mal? Bon, non. Quand, On n'est pas haut. Ouais. Mais effectivement, l'homme ne peut pas s'en sortir. Alors, ce qui est intéressant, c'est de constater la quantité de stratégies que l'humain va utiliser pour essayer de s'en sortir. La quantité de stratégies que l'humain va utiliser aussi pour oublier qu'il est mal pris. Et en même temps, il y a quelque chose chez l'être humain qui l'oblige quand même à regarder une opportunité de sortie. Il y a quand même quelque chose qui... C'est la foi, ça? Ben, non. La foi, c'est une croyance exagérée dans certains concepts. Dans la foi telle que l'humain la vit. Si on parle d'un type de foi qui est un glissement homochronique ou la capacité de changer d'homochrone, c'est autre chose. Mais encore là, l'humain ne veut pas changer d'homochrone. Alors, les glissements homochroniques se font uniquement en fonction de l'ego logique, donc en fonction des structures co-ego, justement, de considérer certaines possibilités comme étant des réalités. Ouais, c'est l'ego qui charrie d'un homochrone à l'autre. C'est l'ego qui charrie tout court. Et si on étudie l'être humain, on se rend compte que finalement, au départ, si on prend un petit crayon puis une feuille blanche, je prends plus ou moins blanche, premièrement, ce qu'on sait, c'est que l'être humain est manipulé. Bon, c'est la première chose que l'être humain, qui moindrement se conscientise un peu, va découvrir. Et l'être humain, découvrant qu'il est manipulé, ça c'est quand même relativement facile à constater qu'on est manipulé, il suffit simplement de te demander, est-ce que tu aimes, quel est le fruit que tu aimes le plus? La pomme. La pomme. As-tu décidé que tu aimais plus la pomme? Non. Que les autres? Donc, tu n'as pas le choix d'aimer plus la pomme. Et ça, c'est important parce que n'importe quel ego qui va dire, oh, certainement que j'ai le choix. Oui, quand je vais à la fruiterie, j'ai le choix de prendre des pommes ou des bananes. Oui, lequel tu prends? Mais je prends des pommes. Eh oui, c'est évident parce que tu n'as pas le choix. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'être humain s'illusionne régulièrement qu'il a le choix, ça lui plaît. Et cette illusion-là, on appelle ça un choix illusoire. N'est-ce pas? On s'en sert des fois en pédagogie quand on est un petit peu rusé ou malsain. On va dire, par exemple, à un jeune, « Bon, écoute, tu as le choix entre la vaisselle ou faire ta chambre. » Bien là, le petit gars, la petite fille va dire, « Ben, non, je vais faire ma chambre. » Mais on le vient de l'avoir comme il faut, là. Ouais. Et le prix, celui qui lui plaisait le plus, en réalité, celui qui lui puait le moins au nez. C'est ça. Hein? Un teflon va dire, « Écoute, ni un ni l'autre, bon, ça va. » Mais habituellement, on va s'en servir en pédagogie. Le choix illusoire, c'est intéressant, pour régler des problèmes. Est-ce que tu fais tes devoirs maintenant ou c'était fait après le souper? Ça implique que tu vas faire tes devoirs. Alors, normalement, l'enfant se fait avoir, il va dire, ben, ou l'autre. Il va dire celui qui lui pue le moins au nez. Mais ce n'est pas un choix. Bon, veux-tu une claque sur la face ou bien tu me fais tes devoirs? Tu sais, c'est un choix. Alors, on a toujours le choix du bien et du mal. Vous faites le bien, vous allez au ciel, faites le mal, puis on vous marche dessus éternellement. C'est un choix illusoire. Et en plus, en faisant le bien, tu peux mal le faire. Puis on marche encore dessus. C'est comme le casino, ça. Tu as soit 15% des chances de perdre, 25% des chances de gagner. Comme on joue tous les jours, bien, à la fin de la vie, on a un bon déficit. Bon. Mais l'être humain est manipulé. L'être humain manipulé peut-il s'en sortir? Ben non. Sauf s'il est manipulé à s'en sortir. Qui peut manipuler à s'en sortir? Ben non, sauf s'il est manipulé à s'en sortir. Maintenant, est-ce que l'être humain est manipulé à s'en sortir? Non. Si on observe la vie, si on observe le passé, si on observe l'historicité humaine, non. L'être humain est plutôt manipulé à quoi? L'être humain est plutôt manipulé à souffrir, à se détruire. Mais évidemment, on pourrait étirer ça à se faire souffrir les autres et à détruire les autres. Donc, on peut en conclure à un moment donné que dans la nature fondamentale de l'être humain, il existe des engrammes qui font en sorte que le rôle fondamental de l'être humain, c'est probablement la recherche de la souffrance, la recherche de la destruction ou de l'autodestruction. Ça appartient tout seulement à l'ego? Ça appartient à l'animal humain, ça appartient au corps astral, ça appartient au corps physique, au corps vital et même au corps mental. Okay? C'est des structures humaines, ici. Si on regarde, par exemple, quelques jours, on a fêté le génocide rwandais. Alors, aujourd'hui, hier, on l'a fêté un peu plus, on a exterminé de 5 à 8 000 autres personnes. Ah ouais. Bon, dans un camp tout près de Kigali. Alors, il se passe quoi? Bien, il se passe que c'est comme ça. Par exemple, on a des gens, probablement qu'à Oklahoma City, ce qui est arrivé dernièrement, ou une explosion, probablement que les gens qui ont fait sauter l'édifice gouvernemental sont des gens qui protestent contre la restriction des armes. Alors, eux se sont dit, si on fait sauter des édifices, ils vont finir par autoriser qu'on ait plus d'armes. Alors que dans une autre stratégie logique, plus il y aura d'attentats armés, plus on va passer des lois pour restreindre les armes. Donc, ils sont à côté de la logique, ils sont manipulés. Bien, ils sont dans une logique, sauf qu'on dirait que ces gens-là travaillent contre eux autres. Alors, un peu comme, comment convertir des gens à ta religion? Ben, en bûchant dessus. L'histoire démontre que ça convertit certains, ça en tue plusieurs, mais ça crée plus d'ennemis que ça crée de convertis. Ouais, par la pointe de l'épée, de se faire dire... ça renforce les autres religions. Alors finalement, mais c'est quand même comme ça que les religions le font. Les musulmans le font, l'ont fait, veulent le faire. Les chrétiens l'ont fait aussi, etc. Puis les autres religions font la même chose. La secte Aum au Japon actuellement, Aum, vérité, je ne sais quoi, suprême, bien, les autres, ils s'imaginent qu'en exterminant, ils sont quoi? Ils sont 200-300 000. En exterminant 5 milliards d'êtres humains, ils vont être corrects. Ils veulent les exterminer avec des bombes bactériologiques et chimiques, ce qui fait qu'eux-mêmes ne pourront plus respirer après. Mais en tout cas, chaque fois, puis qu'est-ce qui arrive évidemment, c'est que plus ils font d'attentats, plus nécessairement ils sont éliminés. Bon, si on regarde la secte des Daviciens, oui, en tout cas, ceux qui sont incendiés à un moment donné, bien, eux, ils s'armaient pour quand on les attaquait. Et on les attaquait parce qu'ils s'armaient trop. La mécanique, elle est tout le temps comme ça. Donc, on peut constater que l'être humain, fondamentalement, quelque part chez lui, bon, il est manipulé. Il est manipulé parce qu'il est manipulable. C'est important. Autrement dit, oui, es-tu manipulé? Oui, oui. Ben, c'est de ta faute parce que tu es manipulable. C'est clair? Alors, si l'être humain est manipulé, ben, c'est de ta faute. C'est de sa faute. Il n'y a juste à pas être manipulable. Arrêtons. Arrêtons la manipulation immédiatement. Oui. Mais ça, voilà. C'est pas une réaction manipulée de ce que je viens de dire? Non. Ça, c'est pas une réaction manipulée de l'ego. Alors, finalement, l'être humain est manipulable, l'être humain est manipulé. L'être humain recherche la souffrance, recherche finalement son autodestruction. Et pourquoi l'être humain ne peut pas s'en sortir? Et même si, bon, on a parlé souvent que probablement qu'il y avait des moyens de s'en sortir, j'en arrive à la conclusion assez sévère. Il y a des moyens de s'en sortir, mais il ne peut pas s'en sortir. Et, il n'y a pas le moyen de s'en sortir. La logique... Pourquoi? Parce que tu es conçu pour rester là-dedans. Alors voilà, si à un moment donné, je te fais voir la possibilité de t'en sortir, probablement que tu vas l'utiliser pour continuer à souffrir. Ou je vais en avoir peur. Bon, de toute façon, tu l'utilises pour continuer à souffrir. Oui. Hein? Si tu en as peur, oui, tu souffres. Si tu veux t'en sortir à tout prix et ça ne fonctionne pas, tu souffres. Si tu es en dissonance régulière entre savoir si tu continues ou si tu ne continues pas, ou si tu fais ceci ou si tu ne fais pas ceci, tu souffres. Le moment qu'on te montre à bien manger, bien, puis évidemment, on va t'offrir plein de cochonneries. Alors, tu es encore en état de souffrance. C'est le cas de le dire que plus l'être humain se conscientise, plus il est probablement en état de souffrance. Plus il souffre, puis... Donc, est-ce que la souffrance peut l'amener à... Ben, c'est ta nature et la recherche, la souffrance devrait normalement t'amener à ta destruction. Parce que normalement, tu ne devrais pas en avoir le bol de souffrir, parce que on peut constater chez l'être humain que l'une de ses natures est de rechercher la souffrance. Puis si la nature est de rechercher la souffrance, puis s'il y a assez de souffrance, est-ce que cette souffrance-là peut l'amener à s'en sortir une contre-logique? On constate que non. On constate que l'écœurement peut amener contact avec l'ajusteur de pensée, ce qui fait en sorte que l'être humain devient automatiquement en position de s'en sortir, mais sa nature intrinsèque l'oblige automatiquement à se mentir puis à mentir à l'univers entier pour couper le contact avec l'intelligence supramentale de façon à le maintenir dans un état de statu quo où il peut continuer maintenant à mijoter ses affaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois qu'il y a eu d'intervention ou qu'il y a des tentatives d'aider l'humain à s'en sortir, l'humain fait tout ce qu'il peut faire pour mettre fin à cette aide extérieure. Soit parce que maintenant qu'il y a eu le contact, il est sauvé, donc foutez-moi la paix, je suis sauvé, puis il va continuer à faire ses conneries. Soit parce qu'il n'y a pas besoin du contact, il y a un ego assez gros qui fait qu'il va être capable de s'en sortir tout seul. Soit pour n'importe quelle raison. Une chose est certaine, c'est qu'on constate que chaque fois que l'être humain prend conscience de quelque chose, donc, chaque fois que l'être humain devient en état probable de pouvoir s'en sortir, Il fait tout ce qui est en son possible pour couper, pour démolir cette possibilité-là et pour retourner dans un état de recherche de la souffrance et de la destruction. On le constate. Oui, on le constate. Okay. Lui, bon. Il ne sait pas. Ben, il ne sait pas. Non, sa démarche reste une démarche. C'est le moindrement que les gens conscientisés le savent, automatiquement, ils restent en contact et ils peuvent s'en sortir. Et sauf ensemble? Que la nature humaine, toi, tel que tu es conçu, tu n'es pas conçu au départ pour t'en sortir. Ton rôle premier n'est pas de t'en sortir, ton rôle premier est de recevoir quelqu'un qui, lui, va s'en sortir. Recevoir quelqu'un qui va s'en sortir. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est ça. Je veux dire par là qu'il y a des véhicules planétaires ici qui sont un corps physique, on va dire le tien, un corps physique, un corps vital, un corps astral et un corps mental. Oui. Tout ceci a un rôle fondamental. Il semble que ce soit être manipulable. De cette façon-là, on peut le maintenir en vie, on peut l'envoyer vivre des expériences, on peut le forger, on peut le former. Donc, il doit être manipulable. Première chose, c'est que c'est un véhicule programmable. Oui. Donc, on peut le reprogrammer. Génétiquement, on peut le reprogrammer, on peut le déprogrammer. On mélange deux logiciels ensemble, un homme et une femme. Ça crée un enfant qui est différent, qui tient des autres. Il y a une programmation physique, génétique, oui, programmation vitale, astrale et mentale. L'astrale, la réincarnation et l'éducation. Mentale, même chose, réincarnation, éducation. Et il y a toujours un peu d'incidence physique par la génétique là-dedans. Deuxième chose, ton véhicule planétaire, bien, il est conçu pour rechercher la souffrance et l'autodestruction. On le constate. Pour garantir qu'il ne s'autodétruira pas, il y a nécessairement le fait de ne pas créer. La reproduction fait en sorte que par réincarnation, toi tu meurs, les enfants vont vivre. Et ce qui est important, c'est que l'humanité vive, pas toi. Ça, on le sait clairement, c'est pas vous qui êtes important au niveau des yeux du cosmos ou de ce qu'on voudra. C'est l'ensemble de la race, c'est-à-dire une partie de la race. Si possible, le meilleur dans la race, mais pas trop. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai déjà expliqué que les divinités, les dieux, là, régulièrement, avant, ils essayaient d'éliminer ce qu'il y avait de plus évolué dans la race. Donc, on offrait aux dieux les enfants les plus beaux, les plus purs, etc., comme on offrait aussi les plus beaux animaux ou encore les plus beaux légumes ou fruits. Éliminer ce qui est le plus parfait, parce que le plus parfait engendre une problématique majeure, et c'est de ça qu'on va parler un peu aujourd'hui. La pureté d'une personne ou d'un peuple, d'une race, dont ce qui est le plus l'élite, l'intelligence à l'intérieur de l'être humain, ça, normalement, ça doit être détruit. Génétiquement, on va essayer de rendre, de créer des torts là-dedans, ici, au niveau des naissances. Sinon, au niveau d'éducation, on va essayer d'anéantir ces choses-là, ici. Alors, l'éducation religieuse, l'éducation sociale, etc. Par exemple, à l'école, actuellement, mais ça, quelles que soient les sociétés, on fonctionne toujours comme ça. C'est-à-dire qu'ici, on va s'occuper des gens qui sont un petit peu là-dedans, ici. Ceux qui sont vraiment pas bons, bien, le système les perd complètement. Ceux qui sont vraiment trop bons, bien, le système les perd aussi. Ce qu'on veut, c'est s'occuper de la moyenne. La moyenne. OK? Le système d'éducation est simplement structuré là-dessus. Et qu'il soit religieux, qu'il soit de n'importe quoi. Pourquoi? Parce que ceux ici ne peuvent pas suivre et ça nuit autant que ceux ici qui ne peuvent pas suivre non plus parce qu'ils sont trop rapides, trop vite, trop intelligents. Oui, puis l'histoire nous dit que si tous ceux qui ont essayé de garder une élite planétaire se sont détruits, soit les aristocraties ou oui, le problème de la foutue planète, c'est que la planète est totalement anti-être humain. C'est original. C'est que anti-être humain, ben ta oui. Ta nature, toi, telle qu'elle est construite, t'oblige à la manipulation, à rechercher la souffrance et la destruction, et tu es dans un contexte planétaire qui te permet bien de faire ça, mais qui va à l'encontre de la nature plus fondamentale encore. Dans une des conférences, quand j'ai amené la vision ici que l'être humain était construit pour souffrir, pour rechercher la souffrance, je l'ai démontré lors de cette conférence-là. Puis n'importe qui, on peut regarder tout ce qui se passe sur la planète, ce qui nous arrive à nous, et au lieu de se demander, oui, mais c'est quoi l'intelligence là-dessous, on devrait simplement se dire, c'est normal, l'humain recherche la souffrance, l'autodestruction, donc c'est normal, c'est ça comme ça. Et on se rend compte qu'effectivement, ça explique tout le comportement animal humain, à tous les niveaux. Si on demande à des gens de se recycler pour améliorer leur sort, ils ne veulent pas. La réticence est majeure, ça va critiquer, ça va que bon. On a décidé à un moment donné d'obliger le port du casque en motocyclette. Ah, voilà, les protestations, la ceinture de sécurité, ah, la même mot que tu as dit à faire. Mais quand on l'a maintenant exigé en arrière, il n'y a pas eu trop de problèmes. Parce qu'en arrière, normalement, c'est les enfants. Puis les petits morveux n'ont rien à dire. Fait que ça n'a pas été un gros problème. Mais quand c'était en avant, c'était les adultes. Alors, ça allait vraiment mal. Pourtant, ça a protégé la vie. Les gens disaient, écoutez, c'est ma vie. Moi, au gouvernement, je dirais, oui, c'est vrai, c'est votre vie. Faites ce que vous voulez avec. Puis quand vous avez des problèmes de santé à cause de vous, bien, torchez-vous. Ayez des assurances, puis convainquez-les de payer pour vous. Mais le système social ne paie pas. Tu as eu un accident au volant, tu étais chaud, mange la marde, il te manque deux bras, je m'en fous. Tu vas mourir, meurs. C'est ta vie. Mais si, par contre, tu veux appliquer ce que notre société peut te donner, quand tu te casses la gueule parce que l'épée t'est rentrée dedans, nous, on va s'occuper de toi. On va te donner les meilleures orthèses, les meilleures prothèses, on va s'occuper au maximum. L'autre à côté, on s'en fout, c'est sa vie. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça, parce que ça nous plaît, nous, en tant que citoyens, en tant que gouvernement, en tant que société, que de donner à l'épée qui est allée tout massacrer, il n'y a aucun problème. Par exemple, vous n'avez pas beaucoup de droits en tant que citoyen. En voulez-vous des droits? Commettez un meurtre. Et là, vous allez avoir plein de droits. Mais tant que vous êtes les citoyens ordinaires, vous n'avez pas beaucoup de droits. Un voleur rentre chez vous, il se casse la gueule dans l'escalier, vous poursuivez, il va gagner. Vous êtes mieux d'être bien assuré. Et c'est un fait. Oui. Vous avez un chien qui n'est pas en laisse, le chien saute sur la personne, le voleur veut poursuivre. Et vous allez perdre. Et vous faites un piège chez vous, c'est illégal. Il faudra démontrer que le piège n'a pas été fait dans le but d'attraper quelqu'un. Et c'est un fait. Parce que nul ne peut se faire justice soi-même. Le voleur a plus de droits. Et nous, on s'est renseigné auprès de policiers, auprès de détectives, etc., auprès d'avocats. Oui. Puis effectivement, quelqu'un rentre chez toi avec une arme à feu, puis tu tires dessus, il faut que tu puisses démontrer que tu es en état de légitime défense. Il faut que tu tires avant. Même le policier, normalement, doit attendre que l'autre ait tiré. Ça facilite beaucoup sa tâche. Et encore faut-il que l'autre ait tiré dans le but d'atteindre le policier. Sinon, c'est pas évident. Alors, voulez-vous avoir des droits, c'est facile, comme être un meurtre, vous allez avoir des droits. Donc, c'est toujours la masse populaire qui change ceux qui sont en haut. C'est la masse populaire qui a changé les royautés, c'est la masse populaire qui manipule. À la longue. Sauf pourquoi la masse a-t-elle changé l'élite? Parce que l'élite et la masse, il y avait des frictions tellement grandes, ça obligeait la conscience chez l'être humain. Alors, on crée des guerres qui améliorent potentiellement, disons, l'allure, l'apparence de la société. Mais ça, c'est fait pour couper le contact avec l'intelligence. C'est la même chose qui se produit présentement avec tout... Tout le temps. Avec nous, avec chaque personne ici, c'est exactement la même chose, à des niveaux différents, évidemment. Vous n'êtes pas tout seul, vous n'avez pas la puissance de vous faire une guerre civile pour vous-même. Sauf que c'est exactement la même chose en termes de maladie, en termes de dissonance, en termes de remise en question, en termes d'alimentation, en termes de n'importe quoi. Toi, par exemple, c'est la même chose. Même chose pour chacun des individus. Tu n'es pas un prototype, tu n'es pas un exemple, tu fais partie de la race humaine. Non, c'est important de te rendre compte. Chacun a sa façon de l'exprimer. Certains vont travailler pour s'en sortir. C'est leur façon de perdre leur énergie pour ne pas s'en sortir. D'autres vont s'effondrer à l'intérieur d'eux-mêmes, mais c'est la même stratégie qui s'opère. C'est-à-dire, vous n'êtes pas conçu pour vous en sortir. De ce fait, à un moment donné, toi, si tu arrives sur le mur ici, tu vas glisser par là. L'autre qui arrive sur un coin va peut-être se couper en deux ou partir sur une autre direction. Mais une chose certaine, vous n'êtes pas conçu pour traverser les murs. Alors, un autre va s'aplatir dedans simplement, un autre va arrêter, va méditer pendant le reste de l'éternité devant. On va voir plusieurs choses, mais c'est toutes ces choses-là expriment une seule chose, incapacité pour l'homme de traverser le mur. Alors, on peut constater que, quel que soit le style de vie de l'être humain, il y a une incapacité de s'en sortir. Et quelle que soit l'expression humaine, qui est véhiculé à travers les religions, à travers les concepts, à travers les modes, les sociétés, les guerres, les souffrances, les sauvetages, c'est la même chose. Maintenant, j'ai dit à un moment donné qu'ici, probablement, que j'avais atteint le fond. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un fond en dessous, un sous-sol. Il y a une croûte collée quelque part. Vois-tu, étant donné que pour moi, ça, c'est clair et net, à un moment donné, c'est évident qu'il arrive des choses... Je me suis posé des questions, et ça explique pourquoi l'homme ne peut pas s'en sortir à un moment donné. C'est très, très, très, très simple. Si le verre qui est ici, je le place ici, entre le verre et moi, il y a la chaise, et la chaise porte le nom de souffrance et d'autodestruction. Si moi, je veux aller chercher le verre de l'autre côté, et que partout autour du verre, il y a des chaises, il y en a une ici, mais disons qu'il y en a tout autour, bien, nécessairement, je vais, pour aller chercher le verre, t- toujours me frapper sur la souffrance de l'autodestruction. Ce qui fait que visuellement, on peut donc démontrer que le rôle fondamental de l'être humain, c'est de frapper la chaise. Ou de s'asseoir dessus. Non, c'est la souffrance pareille. Donc, tu pourrais s'asseoir dessus. J'ai mis là, j'aurais pu mettre un T. Donc, tu n'aurais pas pensé à s'asseoir dessus. OK? Ce que je veux dire simplement, c'est qu'autour de mon verre, il y a quelque chose qui implique la souffrance. De ce fait, si tu as fondamentalement un besoin, une obligation, une programmation très, très, très, très, très sous-jacente, très inconsciente, d'aller chercher le verre, quel que soit le degré de souffrance ou de malheur ou d'autodestruction, chaque fois, tu vas revenir à un moment donné, mais tu vas retourner encore prendre le verre, ça va encore te faire mal. Tu vas encore retourner prendre le verre. Donc, si j'observe l'être humain, je peux dire, et son but fondamental, c'est souffrir, aller vers la chaise. Sauf que si on est capable de percer la souffrance et la destruction de l'humain, peut-être que là, on va commencer à entrevoir le verre. Ce qui va amener une autre chose, c'est que le but fondamental de l'être humain, c'est peut-être le verre. Et pour atteindre le verre, on part par la souffrance, on n'a pas le choix. C'est la constitution du chronotope. Et ça, ça change un peu les choses, parce que ce verre-là, est-ce que c'est l'ancrage? L'ancrage du chronotope? Oui, si par exemple, on pense que l'ancrage, c'est la souffrance, eh bien, on pourrait essayer de travailler pour vivre une vie dans laquelle on ne souffre plus. Sauf que quand on essaie de vivre une vie dans laquelle on ne souffre plus, on se rend compte que pour ne pas souffrir, ben, ça nous fait souffrir. Ça nous fait souffrir plus. Donc, finalement, c'est impossible. Ou bien, c'est pas ça qu'on doit travailler, c'est le verre. Cesse d'aller chercher le verre, tu ne passes plus par la souffrance et l'autodestruction. Cesse d'aller chercher le verre. C'est ta programmation fondamentale. Ici, on dit le verre. Il faudra voir si on peut mettre un mot sur, sur cette obligation, ce besoin. Si ton besoin, c'est le verre, bien nécessairement, chaque fois que tu te diriges vers le verre, tu ne peux pas l'atteindre, le verre. Et tu frappes toujours la maudite chaise qui représente la destruction, qui représente la souffrance. Okay. D'où l'idée, chaque fois que je regarde un humain agir dans sa vie, il se dirige toujours vers la souffrance ou l'autodestruction. Donc, le rôle fondamental de l'être humain, sa nature, c'est la recherche de la souffrance. Mais si je me rends compte qu'il y a un verre de l'autre côté, puis que ça recherche d'aller chercher le verre, mais qu'entre le verre et lui, il y a la souffrance, bien nécessairement, l'être humain va aller chercher le verre, va toujours se heurter à la souffrance, ce qui va donner l'impression que ce qui t'intéresse, toi, c'est la souffrance. Mais je me suis rendu compte que c'est l'humain, finalement, ce n'est pas la souffrance. Par contre, il est prêt à supporter la souffrance dans sa quête du verre. Il est prêt à mourir dans sa quête du verre. Et moi, ce qui arrive, c'est que si je peux te reprogrammer différemment pour que tu cesses d'aller chercher le verre, automatiquement, tu quittes la souffrance. Okay. Autrement dit, il y a quelque chose ici qu'on appelle un besoin fondamental, fondamental, archétypal, de nature, qui est même cosmogonique. Et autour de ça, ici, il y a une barrière majeure qui, justement, t'amène à souffrir. Et si tu pénètres un peu plus loin, carrément te détruire. Si on est capable de vérifier ici, absolument, il faut passer par là pour s'en sortir, ça sera une chose. Si ce n'est pas par là qu'il faut passer, mais c'est sur un autre point qui ne fait pas partie de cette enceinte, donc probablement que tu n'as pas besoin de souffrir. Peut-être auras-tu besoin d'autre chose, on verra s'il n'y a pas une autre enceinte, là. Mais présentement, il n'y en a pas. Et si on est capable de faire en sorte que subitement tu diriges vers là plutôt que vers là, autrement dit, si tu as un attrait majeur pour le verre, la preuve, vous êtes prêt, tout le monde, à perdre vos dents, à perdre votre corps, à perdre vos amis, à perdre votre vie. Vous êtes prêt à tout perdre. Tout pour y aller. Alors, la lumière de ça est puissante en maudit. Puis elle attire l'animal humain. Elle attire le corps mental, le corps vital, le corps astral, le corps physique. La conscience? La conscience, non. Mais la conscience, présentement, n'est pas capable de reprogrammer parce que ce n'était pas suffisamment, disons, transmissible en mots, en explication, en dessin, en concept, pour être capable de donner à l'ego logique une petite nouvelle reprogrammation pour lui faire comprendre un petit peu que tant que tu recherches le verre, oublie, t'es fait. Si tu veux rechercher d'autres choses, parfait, tu vas au moins changer de chronotype. On verra après si tu t'en sors ou pas, ou ça va. Mais une chose est certaine, c'est que si tu veux continuer à souffrir, c'est réglé. Si tu veux cesser de souffrir, il faut que tu lâches le verre. Un peu comme, veux-tu cesser de mourir? Cesse de vivre. Il n'y a rien à faire sans ça, puis... Court-circuité. Ben, c'est ça. La vie, c'est une maladie mortelle transmise sexuellement. J'ai déjà dit, c'est ça. Bon. Alors, ce qui est important, donc, c'est ce foutu verre-là, ici. Quel est-il? Et pourquoi l'homme ne peut pas s'en sortir? C'est parce que jusqu'à date, il n'a pas compris du tout le fondement même de sa programmation, donc de sa nature et même de sa sous-nature. J'ai parlé de ce foutu verre-là il y a quelques mois en conférence, d'ailleurs il y a 2 mois. J'en ai reparlé le mois dernier. J'en ai déjà parlé un petit peu à travers le temps, mais vous savez comment c'est, on en parle, mais entre apprendre et comprendre, il y a souvent... Et agir. Des... Agir, tu ne peux pas. C'est le problème. Ben oui. Tu peux apprendre, probablement que vous pouvez comprendre, ça s'arrête là. On en a parlé, l'intelligence prémentale, la première expression de sa nature, c'est justement le fait de conscientiser les choses. En deuxième, plus loin, vient la volonté. La volonté, c'est ce qui peut vous permettre de lâcher le verre, changer de place. Pour que la volonté vienne, il faut qu'il y ait une consolidation au niveau de l'intelligence avant, c'est-à-dire au niveau de la conscience. Donc, il faut être suffisamment conscient de notre but ou de notre anti-but. Ça, on en parle dans notre temps. Bon. Mais ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas, on n'a pas la volonté quand on a la conscience. On a la conscience quand on a la conscience. On a la volonté quand on a la volonté, ça c'est après. Et encore ultérieurement après, on peut avoir la créativité, mais pas la créativité humaine, une créativité qui fait en sorte que tu deviens magicien. Tu joues avec les homochrones et les chronotopes, puis là, tu veux. Tu modélises le monde en fonction de tes besoins, et non pas tu te modélises toi en fonction de tes besoins. C'est extrêmement différent. Alors, le verre, quel est-il? C'est une question que tu me poses. Le verre. C'est une coupe. Non, mais... Comment plus représenter le verre pour qu'on comprenne c'est quoi? Alors, j'ai expliqué il y a quelques temps... Que je comprenne, c'est quoi? C'est ça. J'ai expliqué il y a quelques temps. Et ce que je réexplique là, c'est vraiment intéressant que vous le compreniez. Et après, on pourra considérer que vous êtes de 2 types, un ou l'autre. Êtes-vous du type vert ou du type... Vert. Non, ailleurs. La chaise, la souffrance. T'as pas le choix de... Si t'es du type vert, t'es du type chaise. C'est bon. Mais ailleurs. Autrement dit, êtes-vous de... On va voir. J'ai les mots. Mais plus tard, les mots. Ce qu'il faut que vous compreniez. Ce qui est très important, ce que j'ai expliqué à un moment donné, c'est que la programmation, au niveau de la nature humaine, il y a l'ego logique. L'ego logique, on en a parlé. On en parle, dans le cours sur comment glisser de mon crâne, on l'utilise, on en parle beaucoup. L'ego logique, c'est tout ce que votre logique astrale peut tolérer. Bon, alors quand un pigeon Jara voit un avion passer dans les airs, ça, c'est un habitant qui vit... Pigeon Jara, c'est en Australie, bon, c'est les autochtones. Quand il voit un avion passer, peut-être que pour lui, l'avion, c'est un grand dieu, c'est un grand moineau, etc., qui est trop haut pour qu'il puisse le chasser, parce qu'avec... Tiroche. Il ne peut pas. Ben, son boomerang ou encore sa lance, il ne peut pas. Son ego logique ne peut pas comprendre que c'est un appareil construit de main d'homme. Alors, il faut une grande éducation. Puis normalement, avec les peuples autochtones, ce sont les enfants qui finissent par comprendre. Parce que pendant de 0 à 2, 3, 4, 5 ans, c'est là que se construit surtout leur structure d'apprentissage. Donc, ils vont l'adapter normalement au monde dans lequel ils sont. Alors que si on prend des adultes et qu'on les mute de monde, ils sont finis, ils ne peuvent pas. On a vu, par exemple, des films d'Autochtones, à un moment donné, à qui on avait donné des maisons, etc. La grand-mère est assise à terre, elle mange à viande crue. Les adultes sont assis à la table, mais la maison est extrêmement crottée. Puis les jeunes, tout ce qu'ils pensent, eux autres, c'est de déménager, sortir de la tribu pour s'acheter un Nintendo pour aller faire d'autres choses. Okay? Et il n'y a rien à faire, la vieille est assise à terre, il y a une table, il y a des chaises, elle ne peut pas s'asseoir là-dessus. Elle s'assoit là-dessus comme assise à terre, elle trouve que c'est... elle met son bol à terre, fait que là, son bol est rendu trop bas. Elle préfère s'asseoir à terre carrément parce que bon, on ne peut pas le mettre le bol. Sinon, il faudrait qu'elle s'assoie sur la table. Et c'est important. Et encore, on a des tribus nomades, par exemple, où on se rend compte qu'effectivement, ils vont à la chasse. Ils ont des maisons. Mais ils laissent pourrir les animaux carrément dans la maison, sur le toit de la maison, dehors. C'est pas les Blancs qui les rendent de même. C'est qu'eux sont nomades. Ils laissent pourrir cela. Quand c'est tellement puant, ils déménagent. Mais là, maintenant, ils n'ont pas le droit de déménager. Les gouvernements ne veulent pas. C'est là qu'ils restent. Maintenant, ce sont des sédentaires. Mais ils vivent en nomades. Alors, évidemment, ça devient pourri, ça devient extrêmement sale, ça n'a aucun sens. Ils vivent dans nomades. Ben oui, ils vivent dans nomades, c'est ça. Et c'est pas qu'ils sont très respectueux de la nature. C'est qu'avant, ils déménageaient, donc ça pourrissait, ça s'en allait. Parce que les Autochtones respectueux de la nature, donnez-leur des usines, vous allez voir comment ils vont être respectueux de la nature. Parce qu'ils n'ont pas de potentiel de polluer autant que nous. Mais sans ça, encore qu'il y en a qui l'ont. Bon. Ouais. Mais il arrive ceci, c'est que l'être humain, au départ, vous me regardez, tu m'écoutes, et première chose que tu fais, tu utilises des stratégies de collecte de données. On en a parlé, mais je veux que ça vous rentre dans la tête. Tu collectes des informations, tu m'écoutes. Tu utilises des stratégies de collecte de données. Si je dis, je ne veux pas que tu ailles chier. Et tu peux très bien comprendre, je veux que tu ailles chier. Parce que ta stratégie de collecte de données va avoir filtré le reste. Puis, ne veux pas, tu ramasses, je ben, veux, tu le ramasses. Donc, je veux que tu... Ce sont plus ou moins une penture entre les stratégies de collecte de données, internes et externes. Ça veut dire que tu me regardes moi, avec ici, tu fouilles dans ta mémoire pour voir les autres moi que tu as, et tu collectes des informations ici, tu connectes des informations ici. En additionnant ça, tu vas arriver à une conclusion. Ça va être mon monde bidon. Voilà. Et maintenant, tu vas donc avoir une représentation de la réalité. De ma réalité. Eh oui. Bon, ce que je veux que vous compreniez, c'est que tout ce que l'être humain perçoit, tout ce que vous savez, tout ce que vous dites, tout ce que pourquoi vous êtes prêt à vous... Tout ce pour vous, pourquoi, oui, vous êtes prêt à vous battre, tout ce que vous voulez anéantir, tout ce que vous voulez aimer, adopter, c'est basé sur votre représentation de la réalité. Le moindrement qu'on modifie vos données, vous allez changer d'idée. Le moindrement qu'on modifie votre traitement, vos stratégies de traitement de l'information, vous allez changer d'idée. Alors, c'est simple. Je t'entre dans une secte. Alors, qu'est-ce que je vais te faire faire? Te faire répéter les mêmes affaires. Te couper des gens qui t'entourent. Je vais donc limiter au maximum ta collecte de données. Donc, je vais la focaliser vers la secte. Progressivement, tes stratégies de traitement de données, n'ayant que ces données-là et l'intérieur, vont donc modifier la représentation de la réalité. Mais parce que tu vas répéter et te tenir qu'avec des gens de la secte, lentement, ton intérieur ici est reprogrammé, c'est-à-dire que la partie la plus évidente devient l'expérience des 3, 4, 5 derniers mois. Donc maintenant, collecte de données reliées à la secte, dans ta mémoire reliée à la secte, donc modification de ta vision de la réalité en fonction des données que tu as reçues. Tous les livres, ça, ce sont sataniques. Maintenant, si tu prends un livre, tu l'ouvres, tu vas te rendre compte qu'effectivement, il est satanique. Tu vas être capable de me le démontrer. Oui, mais tu vois, il dit ça. Tu es capable de le prouver. Le prouver, philosophiquement, n'empêche. Ce que je veux dire, c'est que si tu rentres, par exemple, va, change de pays, bien, après 15 ans ou 20 ans, si tu modifies tes données, tu peux devenir totalement xénophobe du pays de départ. Ça veut dire que tu peux détester une personne. Ah, mais maintenant qu'on la connaît mieux, tu sais. Ben oui, c'est bien évident. Ouais. Maintenant que tu la connais mieux. Par exemple, si quand quelqu'un meurt, normalement, on modifie nos stratégies de collecte de données et de traitement d'informations, et là, on va aller chercher que les bons souvenirs de la personne qui est morte. Pour en conclure, qu'elle n'était pas si mauvaise, dans le fond, tu sais, finalement. Et on va même réussir à la regretter. On va regretter la personne qui nous a cœuré toute notre vie. On va la regretter quand même. Pourquoi? Parce que ce n'est plus la même personne. Et c'est important. Si elle revient au monde, parce que subitement un miracle qui se passe, n'importe quoi, un miracle ou une connerie, bon, elle ressuscite, ça se peut qu'immédiatement on retrouve nos vieilles stratégies de collecte de données et de traitement de l'information et qu'on recommence immédiatement. Ça veut-tu dire que si on change de réalité, on change de mon compte? Quand tu changes de réalité, tu n'as pas encore changé de mon compte. Mais tu es sur la voie en maudit de changer de mon compte. Il va te rester maintenant une étape pour changer de mon compte qui, normalement, va être basée sur les stratégies de résolution de problèmes. Quand je parle de stratégie de résolution de problèmes, ça veut dire tout ce qui peut être amené pour diminuer l'écart entre ce que tu perçois ici et ta collecte de données. OK? Ça veut dire que toi, tu te trouves trop gros, ouais. Collecte de données par ici. Ta représentation de la réalité, par exemple, ça va être ou en mélangé avec les collectes ici, ça peut être les désirs, ça peut être etc., peut faire en sorte que toi, tu te vois trop plus gros que ce que tu aimerais ici. Il y a une dissonance entre les deux, on pourra en reparler à un moment donné. Tu vas aller à la résolution de problèmes pour diminuer l'écart, c'est-à-dire pour maigrir, par exemple. Sauf que si dans ta représentation de la réalité, il n'y a aucune place pour l'amélioration, c'est-à-dire que tu es convaincu par la collecte de données que tu ne peux rien faire, et tu es convaincu par la collecte interne, ça fait 25 fois que tu essaies, ça ne sert à rien, alors ici, dans ta représentation de la réalité, il n'y a plus rien à faire, ce qui fait qu'à partir de là, tu n'utilises plus aucune stratégie de résolution de problèmes qui te fait maigrir. À partir de là, on pourra dire tu as abandonné. Et toi, tu pourras dire non, c'est parce que je sais qu'il n'y a rien à faire. Ah, maintenant, je m'aime comme je suis. Ah, mets ce que tu voudras. Oui. Mais tu ne peux plus avancer ou modifier tant que là-dedans, dans la représentation de ta réalité, il n'y a pas de la place. OK? Alors, l'espoir, qu'est-ce que c'est l'espoir? Quel que soit l'espoir, c'est une place pour la résolution de problèmes. Donc, l'espoir est mauditement utile pour sauver un être humain. Parce que ça le maintient en état de résolution de problèmes, même s'il ne sait pas comment résoudre. Mais si tu n'as pas l'espoir, pas d'espoir, ça veut dire que dans ta représentation de la réalité, il n'y a plus de place pour aucune modification. OK? Il n'y a pas de place pour l'amélioration, il n'y a plus de place pour la résolution de problèmes. Donc, normalement, tu n'utilises absolument plus ce qui est ici. Fini. Ça peut t'amener au suicide, ça peut t'amener dans les ordres, ça peut t'amener une bête d'affaires. Bon. Ça dépend des êtres humains, ça dépend des collectes de données. Ce qui est important, c'est que toute la vie que vous venez, tout ce que vous voyez, c'est une représentation de la réalité. C'est-à-dire que c'est de l'illusion, on le sait. Maintenant, pour l'être humain, une illusion qui est individuelle reste de la réalité. Pourquoi? Parce que c'est exactement à partir de cette représentation de la réalité que vous vivez. Mais le moindrement qu'on essaie d'avoir des représentations collectives, on rentre dans l'illusion parce que nos résolutions de problèmes, nos traitements de l'information ne sont pas ajustés à la représentation de la réalité collective. Donc là, on devra dépendre des autres pour avancer. Autrement dit, si je vais au restaurant avec une représentation collective du restaurant, je ne peux rien commander tant que tu n'as pas commenté et tant qu'on n'a pas discuté de ce qu'on commandait. Qu'est-ce que tu manges? Spaghetti. Pas à cause du spaghetti. C'est parce que j'en veux pas de spaghetti. Ah. Moi, j'en veux pas de spaghetti. Fait que je t'ai curé que t'en prennes. Je te crois pas. Ben parce que moi, j'aurais voulu que tu prennes ce que je veux prendre. Alors, moi, j'ai le goût de prendre un hamburger. Tu me dis un hamburger. Ah, c'est une bonne idée. Je vais en prendre un moi aussi. Hey, il est brillant, ce gars-là. Mais encore un assiette de spaghetti. T'es pas curé de prendre du spaghetti? Mais ça me regarde pas, moi, personnellement. Mais ça me regarde en maudit maintenant. Parce que vu qu'on a une représentation collective, ça m'aide à résoudre. Si tu manges du spaghetti, je mange du spaghetti. Je ne veux pas manger de spaghetti. C'est bien simple. Ouais. À toi, si tu me réponds, ben écoute, ça ne regarde pas ce que je mange. Alors, là, tu me nuis en maudit parce que ça me regarde personnellement ce que tu manges. Non, mais c'est ce qui explique le comportement c'est vrai. L'être humain. On voit ça dans l'habillement, on voit ça partout. Là. Partout. Ouais. Okay? Qu'est-ce que je maintenant, plus tu vas être collectif, évidemment, plus tu es en dissonance, moins tu sais et moins tu es efficace pour régler le problème. Voulez-vous faire de l'argent? Plus vous êtes collectif, moins vous allez en faire. Parce que dans la réalité collective, il faut quelques riches. Alors, ils sont déjà là. Mais dans la réalité individuelle, s'il n'y a plus de place, il y en a un qui va sauter. Tu sais, il va prendre sa place. Tu peux bouger les choses dans une réalité collective. Imaginez que vous êtes 4000 dans une compagnie, puis les 4000, vous voulez être boss. Bien, évidemment, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Des boss, une coopérative. Oui. Ah, même là, coopérative, ils n'ont pas plus de boss. Écoute, ils sont plus à perdre de l'argent. Mais m'échappe. Ils sont plus à perdre de l'argent, c'est tout. Avant, il y avait avec les boss qui perdaient de l'argent. Là, tout le monde perd de l'argent. OK? C'est prouvé. Il se passe quoi? Il se passe que si on étudie l'être humain, j'en ai parlé aussi à un moment donné, je vous ai expliqué que les premiers sens développés par l'être humain ou les sens les plus performants sont l'œil. L'œil permet à l'animal de voir loin. L'ego est intimement relié à l'œil. On a déjà vu ça aussi dans certains cours, pour ceux qui n'ont pas suivi. L'ego est tellement relié à l'œil qu'il ne peut pas s'introspecter, c'est-à-dire fouiller à l'intérieur de lui, sans détourner la vision. Alors, parce que mon ego voit par mes yeux, en plus de mon corps vital, mon corps mental et mon corps physique, qui a besoin aussi de mes yeux, pour ne pas me frapper, entre autres. Le moindrement que j'ai à introspecter, normalement, la personne va fermer les yeux, c'est-à-dire couper les informations oculaires. Les oreilles étant tellement moins connectées au corps physique, au cerveau et à l'astral, ça peut aller. C'est sûr que si tu me chuter les oreilles pendant, même si je ferme les yeux, je ne pourrais pas arriver à comprendre, à méditer. Donc, à penser, à réfléchir, à m'introspecter. Dans le mode courant, c'est-à-dire en pleine dynamique, parce que nous ne voulons pas fermer les yeux quand nous parlons à quelqu'un, surtout un inconnu, normalement, nous allons pousser les yeux de travers, c'est-à-dire que j'ai le focus sur la personne. Si elle me pose une question, pour aller fouiller en dedans, je vais donc devoir décaler mon œil hors focus, donc je vois flou. Pendant que je vois flou, j'ai moins d'informations et je m'introspecte. Quand je retrouve la réponse, je reviens vers ma personne. Mais ça démontre une chose. Pourquoi? ne fermez-vous pas les yeux, plutôt que de décaler ou, si vous devez surveiller, devenir flou, hors focus encore, reprendre le focus, revenir hors focus. Ça, on ne peut pas bouger les yeux. Probablement parce que vous avez peur. Oui, c'est la peur de se faire attaquer, c'est la peur de l'autre. Oui. Tout le temps. Maintenant, pourquoi l'animal a-t-il développé? Donc, au départ, nos véhicules physiques sont des véhicules animaux. Pourquoi l'œil? Parce que l'œil peut voir plus loin, à 300 000 km à la seconde, l'œil peut voir plus vite. Mais l'œil peut voir plus vite quoi? Si on retourne à l'époque des hommes des cavernes, si on regarde les animaux, qu'est-ce que l'homme doit voir plus vite? Le dinosaure qui s'en vient. Le dinosaure qui s'en vient. Il n'y a pas beaucoup de dinosaures à l'époque de l'homme, mais quand même, ça reste dans la représentation de la réalité. Disons, le l'ours des cavernes. Il a des grosses dents, en tout cas. Oui, c'est ça. Le dinotherium, des choses comme ça. Ça veut dire que l'homme, l'animal, a développé le sens de l'œil, de la vision, parce qu'il permettait de voir plus vite et plus loin. Et en plus, l'œil retient beaucoup plus d'informations que l'oreille, le nez, le goût ou le toucher. Bon. Parce que si moi, je vous fais je vous fais entendre énormément de bruit, par exemple, vous êtes 15 personnes dans une salle, en même temps, vous allez tous dire votre nom. Il y a des chances que l'oreille ait retenu deux, trois noms. Si tu ouvres les yeux pour le même laps de temps que tu fermes les yeux, tu es capable d'en nommer beaucoup plus de monde. OK? La partie cérébrale qui décode ce que l'œil amène décode beaucoup plus de choses que l'oreille. Puis si en plus tu avais à sentir l'odeur des gens, t'en tiendrais peut-être un cœur, encore. Puis leur goûter, ça serait encore moins pire. Puis toucher, tu n'aurais même pas le temps. Parce que pour toucher, il faudrait que tu touches pendant une demi-heure de temps pour arriver à décoder les gens. À l'œil, c'est immédiat. Donc la théorie du visuel et de l'auditif, c'est au niveau mémoriel, c'est ça intéressant. Rapport. Sauf que c'est pas tout à fait. Oui, c'est correct. Au niveau mémoriel, c'est intéressant, mais pas au niveau des sens. L'auditif est nécessairement défavorisé en termes de survie. Parce que l'œil capte plus de choses. Mais au niveau mémoriel, c'est intéressant, mais c'est un autre facteur. Okay. Donc, premièrement, tu as peur. L'œil se développe rapidement parce qu'encore une fois, tu as peur du dinotherium, tu as peur du smilodonte, des cavernes, tu as peur, bon, peut-être aussi des autres hommes des cavernes. Carrément, à l'époque, tu as peur de l'homme, parce que les hommes avaient peur de la femme, tu sais, parce qu'à l'époque, c'était. Bon, OK. La femme avait peur de l'homme. Les hommes aussi avaient peur des hommes. Monsieur, la casserole n'était pas inventée pour la porte non plus, fait que l'homme était encore libre. Bon. OK. Maintenant, ce qu'on constate, c'est que tous les autres sens sont développés, c'est intéressant. Mais il arrive ceci. Il arrive simplement que si on étudie l'humain, je vais vous sauter quelques détails, on se rend compte que le rôle fondamental, le petit vert ici, semble porter un nom. Et ce nom-là semble s'appeler la vie. OK? Semble s'appeler la vie, le vert. Pour vivre, l'humain doit souffrir. Pour rechercher la vie, l'humain doit souffrir. Maintenant, il faut comprendre que l'animal humain est quadruplement constitué. Physique, vital, astral, mental. Donc, il y a une survie mentale qui est essentielle. Hein? Il y a une vie astrale qui est essentielle, vitale et physique. Bon. Maintenant, ça veut dire que, êtes-vous prêt à faire la guerre? C'est pour défendre votre corps, oui. Êtes-vous prêt à faire la guerre? Bien, c'est pour défendre vos idées, oui. Moi, je suis toujours prêt à faire la guerre. OK? Puis là, évidemment, il y a des fois, tu ne seras pas prêt, là, mais si on regarde, il y a des gens qui disent, non, moi non. S'ils se font accrocher, tu vas voir qu'ils vont être prêts à faire certaines choses. Peut-être pas à faire la guerre. D'autres vont être prêts plutôt à se putainer, à se laisser violer, à vendre leurs amis. Mais on en revient à la même chose. C'est que tout ce que tu vas faire, c'est pour, si possible, rester en vie. OK? Oui. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est le vert. Mais la vie, on a l'idée. Si je parle uniquement de vie, ça fait partie un peu du corps physique. Parce que pour l'être humain, c'est surtout le corps physique qui vit. Oui, c'est pas le corps physique qui ne vit pas. Donc, on va essayer de trouver un autre mot pour désigner le vert qui inclut la vie, des quatre corps, finalement, et pas uniquement d'un seul corps. Et probablement qu'on va parler ici de stabilité. Contexte stable est un contexte qui, normalement, préserve la vie. Normalement. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une forêt harmonieuse, les chevreuils et les loups, même s'ils meurent de temps en temps, s'il y a une stabilité au niveau de la quantité de chevreuils et de loups, on a la garantie planétaire qu'il n'y aura pas d'extermination des chevreuils ou des loups. Alors qu'à un moment donné, s'il y a trop de loups, danger pour les chevreuils, puis s'il y a trop de chevreuils, probablement danger pour les loups à un moment donné, parce que s'il est rendu qu'il y a à peu près juste des chevreuils, bien, les loups ne pourront même plus vivre, puis les chevreuils en gagnent tout seul, oui, ça peut être dangereux, mais en gros, pas bien plus. Donc, on parle de stabilité. Ça veut dire que, normalement, on devrait s'attendre à ce que l'animal recherche au départ, pour garantir sa survie, de la stabilité. Mais l'homme ne peut pas en avoir, de stabilité, parce qu'il y a juste toujours, il y a juste toujours son extérieur à lui. Oui, mais est-ce qu'il recherche ça? Si l'homme recherche l'expression la stabilité psychologique de la stabilité, on parle de stabilité physique, par exemple, il n'y a pas d'ouragan. Tu sais, il y a une stabilité, bon, qui amène à la survie. Si on comprend, si on prend l'expérience planétaire, on se rend compte que les holocaustes sont rares, hein, et que les temps favorables à l'émancipation des espèces, c'est plus long. Les aires glaciaires ne durent pas longtemps, puis même malgré tout, pendant les aires glaciaires, on arrive à vivre. Ce qui est intéressant, c'est que l'être humain, l'animal, la plante, le végétal, etc., recherche finalement des cadres stables. Si on regarde la faune, si on regarde la flore, par exemple, dans les habitats, il faut que ce soit stable. Le moindrement que tu déstabilises, ça meurt. Ou ça change. OK, tu n'as pas le choix. Oui, un feu va changer. Quoi. OK, oui, un feu change. Là, ou encore, tu coupes l'Amazonie, bien, à un moment donné, écoute, il n'y aura plus rien. Il va y avoir d'autres choses. Dans la mer morte, par exemple, c'est plein de vie là-dedans. Mais va pas, change pas cette place. Bon, dans les déserts, il y a énormément de vie. Pour un désert, pour ce que nous, on pense qu'il n'y a rien. Il y a énormément de vie. Il y a de l'eau, il y a des plantes, il y a des animaux, il y a plein de choses. Bon. La stabilité peut porter un autre nom. La sécurité. Ouais. OK? Alors, finalement, le vert peut très, très, très, très bien porter le nom de sécurité. Toi, ce que tu recherches en priorité, de par ta nature d'animal planétaire, c'est la survie de tes corps. En réalité, la survie de ton espèce. Bon, une espèce de survie. Oui. Mais étant donné que tu t'émancipes, toi, tu deviens un petit peu plus individuel quelque part à un moment donné, ça va être surtout ta survie que tu vas rechercher. Mais, quelle est votre survie? Survie du corps physique, vital, astral, mental. Est-ce que tu peux aller jusqu'à te donner la mort pour survivre? J'ai déjà pensé. Donc, c'est bon. Ouais. Mais il y a énormément d'animaux qui vont aller jusqu'à mourir pour vivre. Okay? Ce qu'il faut comprendre, c'est que même le corps physique, par exemple, en état de choc hypovolémique, tout le monde sait quoi, un choc hypovolémique. Ben oui. Bon, c'est un choc, c'est une agression assez forte du corps physique parce qu'à un moment donné, vous manquez de sang. Bon. Il y a des sécrétions d'un paquet d'hormones, en l'occurrence l'adrénaline, pour parler que d'elle. L'adrénaline, elle a un avantage marqué, c'est qu'elle contracte les vaisseaux périphériques, ce qui fait qu'on va avoir un corps assez blanc, pour diminuer la circulation sanguine dans les membres, entre autres, pour en donner plus au cœur, aux poumons et au cerveau. Mais après un laps de temps, l'adrénaline rend les vaisseaux perméables au sang. Donc, cette tentative ultime pour faire survivre le corps va être aussi ce qui va l'amener à mourir. Pour faire vivre le cerveau. Pour survivre, à un moment donné, tu meurs. Parce que quand les vaisseaux commencent à être perméables, ben, le sang filtre. Puis là, tu peux carrément... Là, tu as une double hémorragie. Là, par où ça sortait, puis carrément à travers le corps au complet, maintenant l'hémorragie est massive. C'est-à-dire qu'on devra donner des médicaments pour essayer de contrer ça ou te réanimer au plus sacrant. Mais tout le corps meurt pour faire survivre le cerveau. C'est-à-dire que le cerveau va mourir, c'est-à-dire que ce qui est amené pour te faire survivre, c'est aussi ce qui va te tuer. Exemple, la panique, la peur donne des ailes. Oui, à la condition qu'il n'y ait pas de falaise. Hein? Toi, tu es sur le bord d'une falaise, il y a une peur massive qui arrive, un animal ou un tyrannosaure qui veut t'attaquer, probablement que tu vas virer de bord, partir à la course. Très, très, très stratégique, mais vu qu'il y a une falaise, tu vas te tuer. Tu peux courir, courir, courir, courir, courir, jusqu'à temps que tu claques et tu meurs. Absolument pareil. Ça veut dire que l'être humain, l'animal, peut facilement mourir pour vivre. C'est-à-dire, et là, parlez-moi pas d'intelligence, d'accord? Dans l'animal humain, il n'y en a pas d'intelligence. Bon, alors, on laisse faire l'intelligence présentement, on regarde la mécanique. Bon. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour maintenir la survie, ça se peut que régulièrement, tu en meurs. Mais là, il faut comprendre, sécurité égale stabilité. Stabilité est un plus grand processus de garantie de la vie. Ça peut commencer régulièrement à mourir. Commencer régulièrement à mourir. Faut te poser la question complète, parce que là... Je m'en rappelle plus. Je ne m'aurise pas ce que je dis, moi, là. Ta collègue de données n'est pas bonne. Il serait bon, c'est régulièrement à mourir. Ouais. Amener l'être humain, bon, l'être humain qui se suicide, c'est un être humain qui, justement, veut vivre. Il va se tuer pour vivre. Un bandit, par exemple, qui va faire un vol, ou les gens qui sont dans la guerre, ou les... Il y a tellement d'exemples. Celui qui, par exemple, fait de la course automobile, aller jusqu'à en mourir, ou ceux qui sont toujours en train de relever des défis. OK, c'est ça ma question. C'est la vie qu'ils recherchent. Ouais. Prêt à mourir. À là, l'ultime, la pénis veut... Ah, absolument, absolument. Ça, c'est un gars, ça, All Penis. All Penis. Oui, c'est un... En tout cas. Ça plaît. Oui, c'est vrai. Il est mort à un moment donné, puis sur sa tombe, c'est écrit « Né en poussant une craque, mort en cherchant une craque. » Il s'est fait peiner, ouais. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, bon... Ce qui est intéressant, okay, taisez-vous, sinon je fais éjaculer la salle. Éjaculer ça. Mais c'est vrai, on fait ça seulement pendant les élections municipales. Bon, c'est correct? Mais c'est un de mes amis qui s'appelait Pierre Céphélis, l'autre il avait répété, ah, je suis honoré de vous connaître. Il n'aura pas fallu ce que nous rencontrons. Parfait, la pause est finie. Ouais. Ce qui est important de comprendre, c'est que si on regarde, on prend ta situation, ta vie. OK? Mais c'est la même chose pour n'importe qui. Ça te va? Vous êtes mal pris. Ah! C'est pas ça! T'es même pas au courant! Bon. OK. Quel dimanche? Ouais. Quand je parle de sécurité, je parle de stabilité, ce que je me rends compte, c'est que 100% de vos énergies sont axées sur une seule chose, la recherche de la sécurité. Mais le problème, c'est que la sécurité, dans un contexte planétaire comme le nôtre, est-ce que la planète Terre est stable? Non. Est-ce que les événements sociaux mondiaux sont stables? Bien, plus ou moins. Pas du tout. OK? Historiquement, si tu mets à 400 milliards d'années, oui. Le problème, c'est que notre chronomètre ne fonctionne pas au rythme du cosmos. Ce que je veux dire, c'est que la planète Terre a, disons, 4 milliards d'années d'existence. Probablement que dans 4 ou 8 milliards d'années, elle n'existera plus. C'est stable, quand même. Bon, ça dépend du point de vue. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la planète, c'est stable. Ça veut dire qu'il y a des glaciations. Ça veut dire qu'à un moment donné, il arrive un ouragan. Il y a eu, disons, 875,425,228,043 ouragans jusqu'à date. Bon, OK, disons. Mais sur 4 milliards d'années, il n'y a pas eu beaucoup d'ouragans. Autant dire qu'il n'y a pas eu d'ouragans. Mais le chronomètre de l'humain ne fonctionne pas à coups de millions d'années, il fonctionne à coups de minutes. Ça veut dire qu'un tremblement de terre, c'est rien, rien, rien pour la planète. Vole en avion puis regarde la Terre. Tu le vois-tu, le tremblement de terre, toi? Il n'y a pas de tremblement de terre. Mets tes deux pieds à terre. Tu vas voir qu'il y en a tout un tremblement de terre. Ton chronomètre n'est pas celui de la planète. Ça veut dire que la planète Terre, même si elle est stable pour elle, est un domaine, un lieu totalement instable pour ce qui vit dessus. Ce qui fait en sorte que toi, en recherchant sans arrêt la stabilité ou la sécurité, dans un monde où il n'y en a pas, ben, tu seras sans arrêt confronté à la souffrance. Et à des mécaniques de défense pour te faire vivre qui vont même t'amener jusqu'à la destruction. OK? On n'a pas le choix. Ou on change de monde, ou on change de façon de faire, ou on change d'objectif principal, d'objectif majeur. C'est pas le fait de changer de planète non plus, là. Non. Parce que les règles, c'est l'homme qui recherche à quitter la planète par un vaisseau spatial. Il va rien régler. Lui aussi, il cherche à s'en sortir. Bon, celui qui part du Rwanda pour venir ici, OK, pendant un an, deux ans, il va vivre mieux. Mais après, il va commencer aussi à avoir peur du chômage, à revendiquer ceci, à faire cela. Ça va, ça, au niveau de sa vie, ça n'aura rien changé. Parce que sa nature profonde, il veut venir ici, recherche de sécurité. Et pourquoi plusieurs ne partiront pas? Pourquoi, lorsqu'on annonce un ouragan ou un raz-de-marée, par exemple, on va dire un ouragan en Floride, pourquoi y a-t-il des gens qui ne veulent pas quitter leur foutue maison? Il y a des inondations dans le coin de Québec, des inondations dans des places nouvelles, puis on vient évacuer, puis ah non, non, moi, ils sont là, les blocs de glace sont là, ils poussent un petit peu, il est là avec sa baguette, ils pètent encore un peu d'eau du sous-sol. Mais pourquoi il ne s'en va pas? Ah, moi, moi j'ai tout vécu ici, moi. Il est prêt à mourir pour. La sécurité. C'est comme l'enfant, s'il veut prendre la maison, il va se cacher en dessous de son lit ou... Oui, ou encore la personne se cache en découvert. Ouais. Quand je parle, non, c'est très fonctionnel. Ouais. Il y a du bruit dans la maison. En dessous des couvertes, ça fait quoi? Collecte de données, anéantie. Donc, sécurité. C'est, tout ce qui t'intéresse, c'est la sécurité. C'est vrai. OK, oui, mais tabarnouche, c'est un animal qui veut te tuer. Mourir n'est pas important chez l'être humain constitué. Sécurité prime. Tu vas mourir dans ton lit, tu t'en fous. L'important, c'est que tu n'en es pas conscient. OK? Sécurité. Et je veux que vous compreniez bien, toute la mécanique humaine est basée sur ceci, sécurité. Ce qui va expliquer beaucoup d'absurdités, finalement, dans le comportement, mais qui ne sont pas absurdes si on comprend que, fondamentalement, c'est la recherche de la sécurité. Bon, pourquoi, par exemple, je ne veux rien savoir, jouer à l'autruche? Pourquoi, par exemple, les personnes qui, à un moment donné, vont vivre des drames, vont commencer à faire le ménage? Bon, ceux qui ont vu le film un jour après, ou etc., il y a eu une bombe nucléaire. Mais là, il faut s'en aller dans des abris. Il y a du monde avant de partir, il faut qu'ils mettent tout en ordre avant. Tu sais, on place le ménage, on fait le ménage, on s'aspirateur, tout va être détruit. Mais c'est parce que tu élimines la collecte de données. Alors, il arrive que, au niveau de ta représentation de la réalité, votre but à tous et à toutes, et c'est uniquement de rechercher la sécurité. D'où le piège faramineux du mensonge, l'illusion. Parce que la meilleure façon d'avoir un cadre sécuritaire, c'est de modifier sa représentation de la réalité pour qu'elle soit sécuritaire. OK? Du moment que ma représentation de la réalité est sécuritaire, j'ai atteint le verre. Mais je mets mes draps par-dessus la tête. C'est faux, ça. Le voleur ou le criminel ou l'animal, etc., peut venir me tuer quand même. Je m'en fous. Ma représentation de la réalité doit m'amener à la sécurité. Ça veut dire, vous êtes toutes pris, toutes déprimées, toutes défaites, toutes capoutes. Quelqu'un vous rencontre en vous disant, « Bien, voyons donc, va pas ça de même! » Première chose qu'il essaye de faire, c'est d'attaquer votre représentation de la réalité pour la modifier. Psychologues, souvent, travaillent uniquement là-dessus. Mais les sectes aussi. Chez l'être intelligent, par contre, il faut travailler sur les données. Donnez-lui de nouvelles données, il va les traiter, ça va modifier sa représentation de la réalité. Là, il aura fait un travail plus conscient, ce qui aura plus de crédibilité. Donc, comme vous, par la majorité, on ne peut pas vous convaincre de n'importe quoi. On devra vous démontrer. Mais le problème, c'est que dans votre stratégie de collecte de données, vous avez aussi vos collectes internes. Et vos stratégies de collecte de données ont un seul but, pas vous faire avancer, mais modifier votre représentation de la réalité pour engendrer une vision de la sécurité. Et ça veut dire ceci. On a vu souvent, par exemple, que l'ego est pluriconstitué. Il y a une partie ici qui a exploré la peur, qui connaît bien la peur, et elle aura besoin de se nourrir. Ça veut dire qu'à un moment donné, pour se sécuriser, elle devra aller chercher la peur. OK? Donc, il faudra que tu nourrisses ta peur pour te sentir sécurisé. Si la partie ici, c'est la colère, il faudra de la colère de temps en temps pour te sentir sécurisé. Ça veut dire que, dépendamment de comment l'ego a été constitué en s'en allant à travers la vie, ça va modéliser le cadre de sécurité que tu auras besoin. Ça veut dire, présentement, disons, ça fait combien de temps que tu n'as pas d'emploi stable? 6 ans. Donc, moi, je peux en déduire que tu as présentement suffisamment d'expérience de non-emploi stable pour être sécurisé dans un non-emploi stable. Donc, pour tout faire, pour ne pas trouver un emploi stable, parce que l'emploi stable va créer une mécanique, il va te déstabiliser. OK? Priorité, c'est pas l'emploi, c'est de garder ta sécurité. Et c'est important au niveau de l'ego. Quel que soit votre type d'ego, Vous voulez maintenir sa survie comme il est, autant physique, vital, astral, mental. Quand tu crèves de faim physiquement, il faut bien que tu ailles en chercher. Mais du moment que tu en as un petit peu, etc., ça c'est réglé, maintenant c'est l'ego qui prend le dessus. Ce qui fait que, comme tel, tu ne peux plus t'en sortir, c'est réglé. La vie, à un moment donné, ou quelqu'un, mais toi, tu ne peux plus t'en sortir. Alors, on va continuer la deuxième partie, on va voir si ça reste jusqu'à la fin, puis je sais que non. Les études que... Ça va faire.